Bonjour, merci de m'accueillir à nouveau pour entendre un message qui n'est pas forcément plaisant à entendre au départ, puisque vous avez choisi de faire la série des petits prophètes. Et les petits prophètes, vous êtes d'accord qu'ils parlent au peuple d'Israël, mais je voudrais qu'on mette une chose claire dès le départ, vous êtes d'accord que la Bible nous parle à nous aussi à travers le message de Dieu pour le peuple d'Israël. Parce que sinon, vous allez toujours vous dire, oui, mais ça, c'est à Israël qu'il parle. Donc, on est bien d'accord, il y a des choses, à mon avis, où on va se reconnaître. Hein. Et c'est peut-être pour ça aussi que dans notre Bible, on a aussi la première partie, parce qu'on pense qu'elle est tout autant la parole de Dieu pour nous que la seconde partie. Alors, on vient de chanter l'amour de Dieu qui est si bon pour nous. Oui, il est bon, l'amour de Dieu. Il est bon parce que son objectif, comme tu le disais, Nicolas, c'est de nous faire parvenir à la ressemblance de Christ, de nous faire entrer dans un plan qui est merveilleux au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais pour arriver à ce bonheur, évidemment, il y a des choses que Dieu ne va pas laisser passer. Et j'ai envie plutôt de parler d'un amour qui est fatal. Et c'est pour ça qu'il y a cette étiquette que Nathan a eu la gentillesse de me faire, cette étiquette amour de Dieu sur un flacon, c'est limite hein, comme comparaison, mais c'est une réalité, sur un flacon vénéneux, parce que d'une manière ou d'une autre, cet amour-là va être fatal pour quelque chose que Dieu ne peut pas laisser entrer dans son royaume. Nous devons accepter cette fatalité, nous devons accepter ce caractère fatal de l'amour de Dieu. Et je crois que oser, c'est à peu près ce qui résume un peu le message d'oser, parce que quand on rencontre ce Dieu, une des images que Dieu donne de lui-même, c'est une ours, une maman ours, chapitre 13, verset 8, il dit « je les attaquerai ». Il parle de son peuple, hein. Il dit « je les attaquerai ». Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits, le pire. Une ours à qui l'on a enlevé ses petits, et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Voilà. On n'a jamais eu l'occasion de rencontrer une maman ours privée de ses petits, je suppose, j'espère pour vous. Du moins, ça ne se voit pas. Mais je me souviens, Gaëtan, je ne sais pas si tu te souviens, avec Ségolène, en 2001, on a passé des vacances aux États-Unis. On avait fait en voiture une petite route poussiéreuse, obscure, la végétation coupait la lumière. Et on avait vu passer un petit ourson. On s'est dit, ouais, c'est magnifique et tout, un ourson, c'est beau. Puis on a commencé à réaliser que qui dit ourson, on dit peut-être maman ours. Et on a eu les pétoches. Hein. Et mais bon, on ne l'a pas vu, heureusement. Voilà ce qui arrive à Israël, lui qui a tout provoqué un peu pour... qui a tout fait pour provoquer la colère de Dieu, qui se présente comme ça. Voilà ce qu'est aussi un aspect de l'amour de Dieu. Le contexte, chapitre 4, verset 1, l'Éternel a un procès contre Israël. L'Éternel a un procès. Le contexte, c'est qu'on est sous le règne de Jéroboam, ça c'est le premier verset, Osée a commencé son ministère sous le règne de Jéroboam. Jéroboam 2, pas le premier, Jéroboam 2, on est dans le royaume du Nord. Donc vous avez eu, je crois, l'occasion d'entendre parler de prophète, mais surtout de Judas. Là, on est dans le royaume du Nord. Jéroboam II a régné pendant 40 ans. C'est assez exceptionnel pour le mentionner, 40 années de règne où on a connu la paix, où on a connu une reprise des frontières qui avaient été attaquées et prises à Israël par les Philistins, les Édomites, etc. Donc Jéroboam II a réussi à récupérer les frontières. C'est la paix, frontières restaurées, plus paix égale prospérité finalement. Le luxe est courant, les gens sont riches, les gens s'enrichissent, les gens pensent à s'enrichir. Voilà à quoi ils pensent. Ils font construire leur maison, etc. Les récoltes sont abondantes. Et renaît un sentiment de fierté et un orgueil. C'est nous Israël, ouais. On va retrouver l'orgueil perdu. Ouais, c'est ça le contexte un petit peu. Chapitre 1, verset 2, je vous propose, je vais noter les versets pour vous éviter de vous balader trop dans le texte. Vous pourrez rester dans les deux, trois premiers chapitres. Les deux premiers chapitres, ça ira bien. Mais voilà, chapitre 1, verset 2, vous pouvez lire, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, il dit à Osée, va, prends une femme prostituée, des enfants de prostituées, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Drôle de façon de commencer une carrière de prophète. Va, va, marie-toi avec une femme, mais je te préviens, elle va te tromper. Elle va se prostituer, elle va aller adorer, elle va aller se prostituer comme mon peuple adore d'autres dieux et il est en train de se prostituer. La prostitution était liée à l'idolâtrie à l'époque. Vous savez, il y avait des prostituées du temple qui s'alliaient avec des prêtres, avec le roi parfois. Quand elles devenaient enceintes, c'était symbole de fertilité. Ça voulait dire que les dieux ont agréé ce sacrifice et ils vont rendre la terre fertile, ou ils vont rendre le roi fertile, ou ils vont rendre la nation fertile, etc. Donc la prostitution, c'est cela. On va vers d'autres dieux pour obtenir des bénédictions. Les bénédictions qu'on veut obtenir. C'est cela. Donc si vous voulez, vraiment dès le départ, le ton est donné, et dès le départ, c'est le thème du livre, c'est le thème de l'alliance, c'est le thème d'une alliance trahie, et la question c'est quel type de relation Dieu veut avec son peuple, et une autre question importante, c'est comment peut-on répondre à son attente? L'alliance est trahie, et c'est l'histoire aussi d'un retour à Dieu, c'est un peu triste, mais d'un retour à Dieu impossible. Le réveil, comme on dit, nous, dans nos églises, est impossible, sous ces conditions-là. Le réveil est impossible. On se souvient bien que Dieu n'est pas en train de châtier un peuple qui ne connaît pas Dieu, il est en train de châtier son peuple. Et il lance plusieurs fois dans le livre des appels, « Reviens vers l'Éternel, reviens vers moi, reviens vers ton Dieu. » Et il va dire, c'est impossible. Le thème, le message, dont on va se traduire en trois parties, on va parler d'amour. Mais vous voyez un aspect particulier de l'amour. L'amour trahit, un peuple prospère, mais stérile. L'amour qui châtie, et ça c'est ce qu'on va appeler l'expérience du désert. J'ai hâte qu'on arrive à cette partie-là. Et l'amour qui guérit, où l'on reconnaît Dieu comme étant la source de toutes nos sources. Et je vous le dis aussi tout de suite, le message que je pense avoir trouvé au bout de 3 semaines de cassage de tête, juste pour trouver les phrases qui résument le texte, c'est que nos désirs de confort, on peut vouloir un confort matériel, on peut vouloir un confort psychologique, on peut vouloir un confort relationnel, nos désirs de confort, quels qu'ils soient, crient si fort qu'ils nous empêchent de connaître Dieu tel qu'il est, la seule vraie source de toutes les richesses. De toutes les richesses qu'on possède et toutes les richesses à venir. Nos convoitises nous aveuglent, elles nous affaiblissent spirituellement, et nous nous épuisons à les satisfaire. Et tant que nous nous épuisons de ce côté-là, nous sommes incapables, incapables de revenir vers lui. Nous nous donnons à nos idoles tout en suivant hypocritement une religion formaliste, et c'est cela qui nous rend stériles pour Dieu. C'est le message, hein. Notre égoïsme, autrement dit, nous empêche de connaître pleinement Dieu, d'entrer dans son plan. Dieu va devoir donc intervenir pour ôter les obstacles charnels à la communion, et ça va faire mal, et cet amour-là sera fatal à nos joies charnelles. On va commencer tout de suite. Dieu qui va dire, le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel, hein, chapitre 1, verset 2. Il est possible que dans vos versions, parfois les versets ne correspondent pas, hein, parce qu'il y a eu des décalages. Il abandonne l'Éternel. C'est ça la principale infidélité, le culte qu'on rend à d'autres dieux. Et Dieu appelle cela de la prostitution. Quand on se prostitue, on vend son corps pour obtenir de l'argent ou une richesse ou quelque chose qu'on désire. Spirituellement, on vend son âme pour obtenir des bénédictions, celles qu'on veut, ce qu'on veut obtenir, ce que nos convoitises désirent. Et on va auprès d'autres maîtres. Et pour assouvir nos convoitises, on est prêt à tromper le maître, avec un grand M. Et ils sont nombreux, les faux maîtres qui nous sollicitent. Là, je vous renvoie à vos propres expériences. On a tous une sensibilité pour certaines convoitises. Si vous êtes ici, si vous êtes dans cette église, probablement vous avez fait l'expérience de la repentance, je vous le souhaite. Vous avez reconnu que votre péché était cette épine qui entrait dans le crâne, dans la tête de Jésus. Vous avez souffert à cause de ça, à cause de sa souffrance, vous vous êtes repenti et vous avez reconnu que vous ne pouviez rien lui donner. Je vous souhaite d'avoir fait cette expérience-là. Et c'est assez étonnant, mais apparemment, c'est toujours la même expérience qu'on doit faire et refaire. Et ça marche toujours de la même pareil, la même façon. Ça marche toujours de la même façon pour revenir à Dieu. Donc nous savons que nous avons reconnu une fois. Je pense que plusieurs moments dans votre vie, vous avez fait l'occasion que Anna, je suis retombé dans le panneau, quoi. Donc je vous laisse voir ça, vos convoitises, peut-être la richesse, la famille, la gloire, la reconnaissance, la vanité, etc. Des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais l'attachement que l'on donne à ces choses, le type d'attachement qu'on devrait donner à Dieu, c'est ça, c'est pas la chose elle-même, hein. C'est cet attachement-là que Dieu veut détruire. Cet attachement-là qu'on devrait donner à Dieu, on nous détache de Dieu et nous rend complices de Satan. C'est un peu fort, mais osé, un message un peu osé, hein, forcément, il fallait la faire, voilà. Vous avez abandonné Dieu. Comment peut-on se détourner de Dieu? On va un peu passer là-dessus. Enfin, on va voir ça. Premièrement, par ingratitude. Elle n'a pas reconnu, cette femme, elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou, l'huile. Je ne reconnais pas que tout ce que je possède, c'est Dieu qui me le donne. Ah oui, je dis merci, bien sûr. Mais dans ma vie, est-ce que ça se voit? Est-ce que je le vis? Est-ce que je vis cette reconnaissance? Je dis merci, comme dans Ésaïe, hein, que Jésus va souvent reprendre. Vous m'honorez du bout des lèvres. Oui, oui, vous connaissez les mots. Voilà, vous connaissez les mots. Mais vous ne le vivez pas, cette reconnaissance. Et même pire, voilà. Mes amants qui me donnent mon pain, mon eau, ma laine, mon lin, mon huile, ma boisson, non seulement tu ne reconnais pas que ça vient de Dieu, mais en plus tu l'attribues à tes idoles. Tu attribues à d'autres ce que Dieu est en train de te donner. Et pire, ce que Dieu te donne, tu le consacres pour tes idoles. Là, on a consacré au service de Baal l'argent, l'or que je lui prodiguais. Alors, qui sont tes amants? Je te laisse voir ça. Mais à qui tu consacres le don que Dieu t'a donné, peut-être pour édifier, pour fortifier l'Église, pour servir? Et il t'a donné la sécurité de l'emploi, qu'en fais-tu? Il t'a donné un talent intellectuel, un talent de bricoleur, qu'en fais-tu, etc. À quoi consacres-tu tout ce que Dieu t'a donné? Voilà une façon d'être ingrat et une façon donc de se prostituer. Et deuxième point, peut-être. Voilà. Le deuxième point qu'on retrouve dans Osée, c'est l'égoïsme aussi. On se fixe nos propres règles. L'orgueil les a saisis, c'est pourquoi ils m'ont oublié. Il suit les préceptes qui lui plaisent. Ah oui, je veux bien jouer le jeu de la religion, je veux bien jouer le jeu de la foi, mais je vais poser mes conditions. Non, non, c'est pas comme ça qu'une église doit être. Pour moi, une église, c'est comme ça. On n'est pas disponible au message de Dieu, à ce que Dieu dit de ce qu'est une église. Toi, non, non, mon plan, c'est ça, entre dans ce plan. Ah oui, oui, j'entre dans ton plan, mais attends, à ma façon. Ah, puis cette église-là me plaît plus, je vais changer. Hein, voilà, on va retrouver ça. Mes préceptes qui me plaisent. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. Il est comme Adam. Vous voyez que ça remonte loin. Et c'est aussi pour ça que le message nous touche. Parce que là, attendez, là on ne peut plus dire « Ah, mais là tu parles seulement Israël. » Tu es comme Adam qui a transgressé l'alliance. Et c'est là, il dit, qu'ils m'ont été infidèles. C'est là, dans cet esprit d'indépendance, dans cette volonté de jouer le jeu, mais selon mes propres règles. Et c'est là que je me détourne de Dieu et deviens une prostituée de Satan. Il y a un poème bien connu qui s'appelle Invictus, où à la fin on dit, et c'est le titre d'un film qui est au cinéma en ce moment, qui reprend le titre d'une phrase célèbre de ce poème, dit « Je suis le capitaine de mon navire ». C'est un bel idéal et c'est un objectif qu'on retrouve chez tous ceux qui veulent vivre selon vraiment les valeurs de ce monde. Hein, je suis le capitaine de mon navire. On peut se défendre de ça. Mais Dieu dit non. Tu peux dire à Dieu, je n'étais pas conscient de ça. Mais Dieu dit, mais non, tu as pris ta décision. Il fallait que tu affrontes. Il faut sortir de soi pour affronter nos propres désirs d'indépendance. Vous voyez ce que je veux dire? On ne veut pas voir parfois. Et après on dira, ah mais je n'avais pas vu. Mais Dieu dira, mais tu ne voulais pas voir. Il y a une responsabilité. Et nous avons la parole de Dieu qui nous rappelle sans cesse cette nature-là, que nous sommes promptes à trahir Dieu. Donc, voyons cela, jugeons-nous avant que Dieu le fasse. Bon, là, je vais un petit peu plus loin sur le message, mais c'est un peu ça. Je tiens à mon indépendance. Un autre point, c'est la surestime de soi. Attendez, voilà. Surestime de soi. Je me crois bon, je me crois fort, je me crois pieux et je me crois à l'abri. Je me crois bon, c'est entièrement le produit de mon travail, je me suis fait tout seul. Oui, Seigneur, je reconnais, je suis très reconnaissant, tu me donnes tout. Mais enfin, j'y suis quand même un peu pour quelque chose. Oh. Voilà. Et puis, on va arriver facilement à dire, je me suis fait tout seul. Et autosatisfaction qui arrive forcément sur le deuxième point de ce verset, chapitre 12, verset 9. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui ne soit un crime. Je ne suis pas pire que les autres, je suis même plutôt bon. Oui, on est très bon pour voir ce qu'il y a de bon en nous, ça c'est sûr, on est bon. Tu as eu confiance dans ta voix, dans ta politique, dans ta stratégie, c'est ça qu'il dit, dans le nombre de tes vaillants hommes. Ouais, je suis fort, ouais, ouais, je peux penser à l'avance, des choses comme ça, on va faire telle ou telle stratégie. Je me crois pieux. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. Et voilà ce qu'il répond, mon peuple est détruit, il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit, il lui manque la connaissance. C'est une référence à ces prêtres que Jéroboam II avait choisis parmi le peuple, pas parmi les Lévites. Non, il avait, alors ça j'ai découvert ça en lisant, il avait choisi des gens qui lui faisaient plaisir, qui le corrompaient. Il avait choisi des gens qui n'avaient aucune connaissance de Dieu, de la loi de Dieu. Alors forcément, qu'est-ce qu'ils pouvaient enseigner, hein? Alors ils détruisaient le peuple. Probablement, ils ont peut-être donné une ou deux paroles de ce qu'ils pensaient être Dieu. Alors le peuple, bien content dans sa conscience religieuse, « Ok, je prends ça. » Et après, je continue à me tourner vers les Baals. Comme Nicolas vous l'a peut-être dit, c'est lui qui m'a dit ça un jour. « Oui, oui, je crois de manière générale en Dieu. Je vais le dimanche, culte, ça. Puis, mais pour les choses bien précises, je vais voir mes idoles. » quoi. C'est un peu ça qu'ils faisaient. Ils allaient voir le spécialiste de la pluie, de la récolte, etc. Ils allaient voir leur spécialiste de manière générale. Alors que les prêtres qui n'y connaissaient rien, eux, le peuple n'avait pas soif. C'était un jeu. C'était un jeu de la conscience, de la bonne conscience religieuse. Nous avons cet instinct religieux en nous et ça nous plaît et ça nous suffit. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs œuvres les entourent. Je ne sais pas si vous imaginez cette chose-là, que toutes les œuvres qu'on a faites contre Dieu, imaginez qu'elles nous entourent. Je voudrais pas voir ça. Je voudrais vraiment pas voir ça. On aura peur parce qu'on ne pourra pas les cacher cette fois derrière un vernis. Elles sont devant ma face. Donc on se croit à l'abri du jugement. On agit souvent comme si on n'allait pas être jugé. Mais Romains 14, 12, hein, nous allons être jugés. Nous serons responsables de nos actes. Il y aura aussi un tribunal de Christ. Donc ici, c'est finalement cette surestime de soi tend à pour conséquence une fausse image de soi. On a une fausse image de soi. On travaille beaucoup notre image. On travaille beaucoup notre fausse image. On croit même pouvoir maîtriser l'image qu'on donne, mais non. Et on a aussi une fausse image de Dieu. Et ça ne nous dérange pas plus que ça. Un autre point qui décrit, je rappelle, qu'est-ce que c'est abandonner l'Éternel? Qu'est-ce que c'est se prostituer? Donc c'est être indifférent envers Dieu, donc par conséquent envers son prochain, indifférent envers Dieu. Aucun d'eux ne m'invoque. Ils se lamentent, ils se plaignent, ils sont épuisés. Cette vie-là est difficile, disent-ils. Mais ils n'ont même pas le réflexe de crier vers moi dans leur cœur. On les rappelle sans cesse vers le Très-Haut. Alors là, il emploie ce nom de Dieu, El Elyon, qui fait référence plutôt, il faudrait comparer ça à une hiérarchie administrative, et c'est le supérieur, c'est le patron des patrons, quoi. Il est celui qui prend toutes les décisions. On les rappelle sans cesse, Dieu est celui qui prend les décisions, qui est souverain, mais jamais aucun d'eux ne daigne élever le regard. aucun d'eux ne l'exalte. Leur cœur est partagé. Autre traduction, leur cœur est faux. Éphraïm se mêle avec les peuples. C'est un gâteau qui n'a pas été retourné. C'est un gâteau, ça fait, c'est bien joli, c'est bien, ça fait du bien, ça a l'air léger. Mais encore une fois, c'est assez lourd de quoi ça parle. Parce que vous mettez un gâteau qui a besoin d'être retourné dans le four, il n'est cuit que d'un côté. Il n'est cuit que d'un côté. Alors vous avez ce joli côté, bien cuir, ouais, bien cuit. Les belles paroles, vous avez cet aspect peut-être chrétien d'un côté, puis de l'autre côté, vous voulez jouer le jeu du monde aussi, vous acquérir la faveur, les faveurs du monde, donc allez, entrer, appartenir à ça aussi. Donc vous avez le cœur partagé, vous êtes faux. Et un cœur partagé est tiède, et un cœur partagé n'entend pas la voix de Dieu. Jacques, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ne savez-vous pas, dit Jacques, vous manquez de discernement. Vous êtes tellement pris dans ce jeu d'hypocrisie, de duplicité, que vous ne vous rendez même pas compte. Forcément, quand on ne cherche pas ce Dieu-là, quand on ne va pas voir ce Dieu qui est si exigeant, qui veut l'amour pour Dieu, la passion, qui veut l'amour pour le prochain, on va vers ses idoles, et Israël allait vers ses idoles qui avaient une éthique beaucoup moins exigeante. Donc, forcément, les conséquences sociales sont désastreuses. On veut une religion facile. On veut une religion qui ne soit pas contraignante. On veut une religion à notre façon, avec nos préceptes, qui nous plaisent. Et si ça ne nous plaît pas, on change. Donc, malhonnêteté dans les affaires, pas de vérité, pas de miséricorde dans le pays. C'est une époque où l'injustice sociale était flagrante. Il y avait un grand écart entre les pauvres et les riches. Ça ne vous rappelle rien? L'exploitation des faibles, la justice à deux vitesses. Chapitre 4, verset 2, cite... Il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5 commandements qui sont bafoués en un verset. Parjure, mensonge, assassinat, vol, adultère, violence, meurtre sur meurtre. C'est triste. Les conséquences, voilà pourquoi, ben, ça paraît naturel, maintenant on comprend pourquoi le réveil est impossible. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu, ils ne le cherchent pas. Et même quand ils essayent, même quand ils essayent de revenir vers Dieu, écoutez leur discours. Retournons à l'Éternel, il a déchiré, ben, il guérira, il nous rendra la vie dans deux jours, allez, le troisième jour, il nous relèvera. Cherchons à connaître l'Éternel, ça ressemble à un cantique, cherchons à connaître l'Éternel. Très belle parole, hein, c'est très beau. Hein. Mais voilà ce que dit Dieu, hein, le verset suivant. Votre piété est comme la rosée qui se dissipe vite, votre amour est inconsistant. Ils ne peuvent pas, ils voudraient. Mais ils ne peuvent pas, ils sont tellement pris par leurs autres intérêts, par leurs autres idoles, ils ne peuvent pas. Et un des versets clés d'Osée, je crois, c'est chapitre 5, verset 4, leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Vous savez maintenant ce qu'est un esprit de prostitution, ingratitude, égoïsme, surestime de soi, indifférence, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Il n'y a pas cette relation. Vous avez vu passer tout à l'heure un verset, hein, la racine, il n'y a pas de racine, la racine est sèche. Donc même quand ils crient à Dieu, ils ne savent plus se repentir. Nous ne savons pas nous repentir, satisfaits de nous-mêmes, ou tout simplement pas envie de changer, pas de volonté de se consacrer. On vient adorer Dieu et comme dit Jacques dans son épître, on l'oublie aussitôt qu'on est parti. Nous ne sommes peut-être pas prêts à payer le prix d'une obéissance totale. Nous ne servons pas le grand roi, mais plutôt le petit roi intérieur. Une autre conséquence, alors il y aura des mots beaucoup plus agréables plus tard, mais c'est comme ça que Dieu fait, hein, nous mettre face à nous-mêmes pour pouvoir mieux travailler en nous ensuite. Une autre conséquence, c'est ce discernement qui est nul sur les choses spirituelles, c'est quasiment de l'incrédulité. C'est moi qui guide leurs pas, dit Dieu. Ah oui. Tu as rejeté ton guide, tu as perdu le nord. pour ça que tu ne peux pas revenir à Dieu, tu rejettes ton guide. C'est moi qui les soutenais par les bras. Tu rejettes celui qui fait ta force. Alors forcément, tes convoitises, comme on disait tout à l'heure, t'affaiblissent spirituellement. Tu n'as plus cette force. Des étrangers consument sa force. Et tu ne le vois même pas. Il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui, ce processus progressif, tout doux, qu'on ne voit pas arriver. Il s'empare de lui. Et tu ne t'en doutes pas. Ah oui, normalement, il vient. Et il ne s'en doute pas. Donc, manque de discernement. Et une des conclusions à laquelle parvient Dieu, c'est de dire, ils ne retourneront pas au pays d'Égypte. Ok, je les ai sortis du pays d'Égypte. C'est pareil pour nous. Nous ne retournerons pas dans cet état qui nous mène à l'enfer. Nous sommes assurés de ce salut. Mais l'Assyrien sera leur roi. Ils tomberont dans l'esclavage. Nous serons esclaves de nos propres désirs, de nos convoitises. Parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. Donc nous retombons dans l'esclavage. À peine ont-ils cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Leurs chefs sont avides d'ignominie. Il y a une idée dans ce livre aussi d'esclavage, des passions, qu'on est insatiable, qu'on en veut toujours plus. Une sorte de génération zapping du mal. Ça n'arrête pas, on n'arrive pas à maîtriser cette nature-là. Et le dernier point de cette première partie, c'est la stérilité du témoignage. Lorsqu'Éphraïm parlait, autrefois à Israël, c'était une terreur, on l'écoutait. Mais maintenant, il est allé vers ses idoles, verset en dessous, associé aux idoles, se confond avec les peuples. Sa voix n'a plus, il n'y a plus de différence. Il ne fait plus la différence, il ne montre pas un peuple différent des autres. Il est mort. Il est mort. Israël est anéanti, englouti. Ils sont maintenant parmi les nations, ils sont comme les autres. Comme un vase qui n'a pas de prix, un vase inutile. Nous devenons finalement des riches, mais inutiles, quoi, stériles pour Dieu. La prospérité du pays a été un piège, et finalement la fin des temps montre une église moribonde. Vous vous souvenez de cette église qui s'appelle la Laodicée, qu'on interprète un peu comme étant cette dernière église qui va accueillir Dieu, qui se croit riche, mais qui est stérile, qui est dans la tiédeur, qui est indigeste. Et ça aussi, c'est un autre verset dans Osée, où il dit « Tu étais une vigne féconde, tu portais du fruit, je t'avais trouvé comme des figues, comme une vigne dans le désert, comme des figues de la première saison. C'est tout ce qu'on peut trouver de meilleur. Mais tu es devenu indigeste, tu es devenu à vomir, infect. » Abominable, comme tes idoles. C'est-à-dire que tu as pris le goût des idoles auxquelles tu t'associais. Vous trouvez peut-être c'est fort, infect, mais à un moment, on verra un verset aussi, tout aussi fort. Israël a perdu son identité de lumière des nations. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Le sacerdoce d'Israël, vous savez, c'était être un prêtre pour les autres nations, un intermédiaire, montrer non seulement le Créateur, le Dieu vivant, mais aussi montrer ce qu'est une relation avec Dieu. Et montrer au peuple, regardez, nous obéissons au vrai Dieu et il nous bénit aussi. Nous sommes dans une relation pleinement en osmose. Il y a une vivante relation. Mais ils sont morts parce qu'ils ont voulu faire comme les autres, alors qu'ils devaient montrer la différence. Ils ne portent plus le flambeau. Ne sont plus lumière des nations. Et c'est vrai que chaque fois que je préfère mes intérêts à ceux de mon vrai maître, j'abîme un peu plus le vase. Je me rends inutile pour son œuvre. Alors, quelle sera la réaction de Dieu? C'est l'expérience du désert. Il va dire, chapitre 2, verset 5, c'est là que vous pouvez peut-être avoir chapitre 1, verset je ne sais plus combien, 19 peut-être. Je la dépouille à nu, comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Ce que dit Dieu de son peuple. Je la dépouille à nu, comme au jour de sa naissance. La première chose qu'il va faire, c'est rompre le contrat. Vous vous souvenez, on retourne vers Osée, qui avait comme mission d'épouser une femme qui allait le tromper et avoir des enfants de prostitution. À chaque enfant, il allait dire à Osée, tu vas le nommer ainsi, ainsi, ainsi. Ce sera un message pour Israël. Le premier, alors voilà les trois enfants. Le premier enfant, appelle-le du nom de Jisréel, c'est cette vallée-là. Car en ce jour-là, je briserai l'arc, je briserai la puissance militaire d'Israël dans cette vallée. Donne-lui le nom à ta fille, la première fille qu'il va avoir, son second enfant, Lo-Ruhama, qui veut dire pas de compassion. Car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Ça devait quand même être lourd à porter, si c'est vrai. Pas de compassion, viens là. Dis, Lo-Ami, pas mon peuple, viens manger, pas mon peuple. Et à chaque fois, et c'est vrai qu'à chaque fois que tu appelais ton enfant, et que les gens l'entendaient autour, ils entendaient le message, ils savaient ce que ça voulait dire. Donc je n'aurai plus de compassion, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple. Et lui-même va utiliser ce jeu des prénoms, en disant, et moi, Yahvé, moi, je ne suis plus votre Dieu. Moi, je ne suis plus votre Dieu. Il n'y a plus de je suis, il n'y a plus de Yahvé. Oubliez mon prénom. Yahvé, je vous rappelle que c'est le nom de Dieu quand il veut faire relation, quand il veut entrer en relation avec son peuple. C'est le nom qu'il a donné à Moïse au buisson ardent pour dire, voilà, nous allons entamer, je vais sortir le peuple du pays d'Égypte et nous allons commencer une relation ensemble. Hein? Je veux faire alliance avec mon peuple. Donc le Dieu de l'alliance se retire. Il n'y a plus de Yahvé, il n'y a plus de je suis. Je ne suis plus rien pour vous. Vous continuez à faire vos sacrifices, il n'y a plus. Je suis parti. Cette alliance-là n'a plus de sens. Vous-même avez enlevé le sens. Moi, je me retire. Vous avez dit non, je me retire. Pour que vous compreniez les conséquences de vos actes. C'est cela. C'est sa façon de faire. Alors, en se retirant, et pour bien nous faire comprendre, il va nous mettre à nu. On va suivre toujours le verset, je la dépouille à nu, comme au jour de sa naissance. Tu es arrivé nu au jour de ta naissance, tu repartiras nu. Il va te dépouiller pour te comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Je viens à toi tel que je suis. On aime chanter ça, tel que je suis. Ah ben alors, on va voir ce que ça veut dire. Parce que ça ne veut pas dire je viens avec toi avec toutes mes idoles. Je viens avec toi sans rien à moi, dit le chant. Sans rien, sans rien. Je la dépouille à nu. Dieu va reprendre tes trésors. Alors là, ça fait un peu mal. Mais c'est Dieu lui-même qui le fait, les versets sont nombreux, je vais juste vous montrer la phrase à laquelle je suis arrivé. Il va reprendre le trésor de tes belles constructions, le trésor de tes forteresses. Dans ces versets 8-14, 10-14, Israël s'est construit des beaux palais, des forteresses. Et dis-moi, je vais envoyer le feu, je vais dévorer tes forteresses, tes palais. 10-14, il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple et toutes tes forteresses seront détruites. Les forteresses dans le Nouveau Testament, ce sont aussi nos constructions, nos raisonnements, nos faux raisonnements, tous ceux sur quoi on s'appuie. La créature se rebelle. Il a oublié son créateur. Il place sa confiance dans ses somptueux palais. Alors Dieu peut l'enlever pour lui faire comprendre que c'est une fausse confiance. Dieu va reprendre le trésor de ta fortune et de ton autosatisfaction. Je me suis enrichi. J'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité. Je suis l'artisan de ma richesse. Je me suis fait tout seul. Donc, chapitre 12, verset 10. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Je te ferai encore habiter sous des tentes. Je vais t'enlever tout ce que tu avais. C'est du style, voilà, Fred. Ouais, je me suis fait tout seul. Ouais, je suis plutôt bon comme gars. Et il y avait. Et moi, je te dis que tu as un seul Dieu, ce n'est pas toi. C'est moi. C'est moi que tu dois adorer. C'est moi qui t'ai fait sortir de cet état de péché, en te donnant la repentance d'ailleurs. Eh bien, je vais faire de même, à nouveau, briser cette arrogance, briser ton autosatisfaction. Dieu va aussi reprendre le trésor de ta famille. Il y a une certaine fierté aussi. Il y a un attachement qu'on devrait donner à Dieu. Je me souviens d'une femme qui m'a dit qu'il y a eu sa fille très gravement malade et prête de mourir. Et elle a lutté contre Dieu. Je ne peux pas parler de mon expérience, donc je parlerai de l'expérience de cette femme. Elle a lutté contre Dieu. Elle a dit, Dieu, ne me l'enlève pas. Tu n'as pas le droit de me l'enlever. Je l'aime. C'est tout ton trésor. Et elle nous a raconté qu'elle a vraiment senti comme un combat en Dieu qui lui disait, je peux te l'enlever si je veux, elle est à moi. Et elle a lâché. Heureusement, elle a lâché. Elle a dit, reprends-la si tu veux. Mais elle était bien sûr bien dans la douleur. Elle a dit, je reconnais, c'est toi seul que j'adore. Elle aime sa fille, mais elle adore Dieu. Et c'est toi seul que j'adore. La fille qui était très gravement malade, dont les médecins disaient qu'elle allait bientôt mourir, et qu'il y avait très peu de chance, a eu une rémission miraculeuse, et les médecins n'en revenaient pas. Et j'ai trouvé vraiment cette histoire dure, très dure. Je vous laisse à vos propres amours. C'est ça la différence entre l'amour et l'adoration, je crois. Il y avait un tel attachement que Dieu disait, mais je peux te l'enlever. Et je me cache derrière ce verset qui dit, et s'ils ont des enfants, je ferai périr les objets de leur tendresse. Et ici, tendresse, il faut bien le comprendre de ce contexte d'attachement que tu dois à Dieu. Et la conclusion, c'est, on pillera le trésor de tous les objets précieux. Je t'encourage, je t'exhorte, et moi-même, à reconnaître, à affronter qu'est-ce qui est le plus précieux pour moi, qui sont mes amants, qui sont mes trésors plus précieux, si précieux que je les préfère à mon Dieu, à l'adoration que je dois à mon Dieu. C'est cela un peu l'expérience du désert. Je te les enlèverai pour que tu comprennes que ton plus précieux trésor, c'est Dieu. Ce n'est pas moi. Cet attachement-là, il ne t'empêche pas d'aimer, il ne t'empêche pas de servir. Mais l'adoration, tu ne la dois qu'à Dieu seul. Réapprends à faire de ton Dieu ton plus précieux trésor. On reprend le verset, « Je la rends semblable à un désert, à une terre aride. » Il va rendre cette terre qu'il avait créée aride, il va assécher ta religion. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. L'Éternel ne prend pas plaisir à tous les sacrifices que tu lui offres. L'Éternel a rejeté ton veau. Littéralement, alors certains ont traduit gentiment, l'Éternel a rejeté ton veau, mais littéralement, il semble que ça se dise « ton veau pue ». Ce n'est pas moi qui le dis. « Ton veau pue ». Tes sacrifices, tout ce que tu me donnes, j'en ai la nausée. C'est indigeste. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Ici, cela parle donc de la puanteur, d'une piété hypocrite, choisie entre cette puanteur-là ou l'odeur de la sainteté, l'odeur de Christ. C'est une tradition religieuse qui n'a plus de vie. C'est aussi le message d'Osée, chapitre 6, verset 6, où il dira « Je préfère la piété au sacrifice, je préfère la miséricorde à tous tes holocaustes. » Message que Jésus reprendra et qu'on verra ça, on verra en conclusion. Je la fais mourir de soif. Dieu va te laisser insatisfait et sans joie. Quand tu t'éloignes de ce qui faisait ton premier amour, comme dit la Bible, quand tu t'éloignes, évidemment, au bout d'un moment, tu t'épuises, tu réalises que tu as beau chercher ce que Dieu voulait te donner, tu le cherches ailleurs, à force, tu ne trouves plus ce que tu cherchais puisque ça venait de Dieu. Et tu le cherches ailleurs. Leur mère s'est prostituée, elle a dit, j'irai après mes amants, c'est eux qui me donnent mon pain, mon eau, ma laine, mon lin, mon huile, ma boisson. C'est pour ça que je vais fermer son chemin avec des épines, je vais élever un mur. Elle ne trouvera plus ses sentiers. Elle allait chercher, elle ne trouvera plus, elle n'aura plus ces satisfactions-là. Et je ferai cesser toute sa joie. Au passage, la femme d'Osée s'appelait Gomère, qui a un lien avec un mot qu'on peut traduire par consommation. Je suis très tenté de parler de notre société de consommation, de notre recherche d'en avoir toujours plus. La croissance, hein, vive la croissance, on ne parle que par la croissance, s'il n'y a plus de croissance, c'est fini. C'est un peu ça, Gomère, société de consommation, enfin consommation, qui oublie d'où lui vient la vie, le mouvement et l'être. Et c'est un pays finalement desséché, où tout le monde court après quelque chose et qu'il ne possède pas, qu'il ne possède plus. Et cette joie est perdue, et même la religion ne te procure plus cette joie. Finalement, Osée cherche à persuader ses compatriotes de se repentir pour revenir de tout cœur avec leur Dieu, qui est un Dieu de patience, un Dieu d'amour. Mais pour cela, Dieu doit provoquer une prise de conscience, un électrochoc spirituel. C'est la pédagogie du désert. Voilà pourquoi il nous fait passer par le désert, pour nous sauver. Je voudrais les sauver, mais ils ont contre moi des faux raisonnements, des mensonges. Ils ne comprennent plus. Mon peuple dit sur moi des mensonges. C'est pour cela qu'il veut nous faire passer par cet électrochoc spirituel. On a des mensonges sur soi, on a des mensonges sur Dieu. Il va nous dépouiller pour nous rendre humbles. Et vous connaissez cette histoire du fils prodigue que Jésus reprend. Peut-être s'est-il inspiré aussi de ce passage-là, de cette femme qui veut chercher dans le monde tous ces sujets de satisfaction, puis elle dira, j'irai, je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. L'électrochoc, quoi. La prise de conscience. Il nous dépouille pour nous rendre humbles. C'est le berger, avec son bâton, sa houlette et son bâton qui me rassure. Vous vous souvenez la fonction du bâton du berger? Il l'envoie contre la brebis qui part au loin sur le mauvais chemin pour lui faire peur, pour la faire revenir. C'est un bâton qui provoque une prise de conscience, qui dit, ah, je suis sur le mauvais chemin, et qui revient vers son maître. C'est cela qui nous rassure. Dans le dépouillement de tout ce que je possédais, je reconnais que ce que je tiens pour acquis ne l'est pas. Donc il nous fait passer par le désert pour nous faire prendre conscience de cela. Il nous fait passer par le désert pour nous réapprendre à reconnaître que tout nous vient de Dieu. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, etc. C'est pourquoi je vais reprendre, pour qu'elle reconnaisse à nouveau. Pour qu'on réapprenne aussi à dépendre de Dieu, comme Israël, quand il est né dans le désert du Sinaï, a appris à dépendre de Dieu pour la manne, pour l'eau, etc. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils rechercheront ma présence. Il nous fait mourir de soif pour qu'on réapprenne à avoir soif de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vécu cette expérience-là, où quand vous revenez vers Dieu, vous avez de nouveau ce plaisir de lire la parole de Dieu, un plaisir que malheureusement, moi je reconnais, je n'avais plus. Ce plaisir ah, c'est vraiment comme si on rebuvait de l'eau fraîche. Hein, on nous avait dit une fois, la vie chrétienne, pas seulement passer par les monts, les montagnes, les sommets, c'est les vallées aussi. Et c'est vrai que finalement, le berger fait passer ses brebis par les vallées pour qu'elles puissent boire aussi, parce que c'est là que coule l'eau. Nous devons guérir de l'ingratitude, guérir de cet esprit d'indépendance et rechercher Dieu pour ce qu'il est, seulement pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il nous donne ou pas pour ce que nous voudrions qu'il nous donne. C'est pour cela qu'il nous prive de toutes les sources terrestres de plaisir, comme pour nous expliquer que la première source de plaisir, c'est lui. La première source, la première joie, la seule d'où tout découle, c'est lui. Psaume 87,7, toutes mes sources sont en toi. Il nous fait passer par le désert pour nous rendre disponibles à ce qu'il veut nous dire, qu'il ne pouvait pas nous dire tant que notre cœur était encombré de tout ce que nous recherchions ailleurs qu'en lui. C'est pourquoi je veux la reconquérir et la conduire au désert. Je parlerai à son cœur. C'est pour ça qu'il nous amène au désert, pour parler à notre cœur. Et on voit là derrière un Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Pour comprendre, pour connaître cet amour de Dieu, tu dois boire le poison qui va faire mourir toutes tes convoitises, qui va te dépouiller de cet attachement idolâtre. Je veux la reconquérir. C'est le vocabulaire d'un jeune homme qui veut séduire sa fiancée à nouveau. C'est vraiment, on n'est plus dans le procès. C'est pas un procès. C'est pas du tout un procès. C'est pas juridique, le christianisme. C'est une relation d'amour. Et c'est un Dieu qui veut qu'on l'aime parce qu'il est digne. Il est le seul digne qu'on l'aime. Et c'est un Dieu qui veut nous donner la capacité de l'aimer aussi. Mais nous refusons. Par nature, nous sommes enclins à refuser ça. Et nous cherchons nos joies pauvres, terrestres. Et nous croyons que ça suffit. Alors que lui, justement, il donne au-delà de ce que nous espérons, au-delà de ce que nous pensons. Mais pour comprendre cela et le recomprendre à nouveau, il est obligé de nous ôter nos joies pour qu'on comprenne finalement la seule joie qui dure, c'est celle que donne Dieu. Jésus qui va dire, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous donne une paix qui va demeurer, qui va aller loin en vous, qui va vous transformer. La paix que donne, la joie que donne le monde, c'est une joie qui nous rend insatisfaits et on a besoin de nouveau d'une autre joie. Il va nous reconquérir. Il est bouleversé. On appelle Osée, j'avais découvert ça, le Saint Jean de l'Ancien Testament, parce que c'est un livre qui parle de l'amour de Dieu. Mais vous comprendrez bien, et dans les Écritures de Jean aussi, L'amour, ce n'est pas une bonté gratuite. Hein, ce n'est pas un Dieu qui va tout pardonner, qui laisse aller, qui laisse faire. C'est un Dieu qui veut vraiment un amour qui va te transformer, un amour exclusif. Pour ça qu'il dit qu'il est jaloux. Il ne veut pas que tu t'abîmes avec d'autres. Alors, voilà, ce Dieu bouleversé, c'est là. Dois-je te livrer, Israël? Qu'est-ce que je vais faire de toi, Israël? Mon cœur s'agite au-dessus de moi. Toutes mes compassions sont émues. Toutes mes compassions sont émues, dit Dieu. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Il dit, tu mérites ça. Tu mérites. Mais qu'est-ce que je dois faire de toi? Je ne veux pas. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce, dit-il solennellement, je renonce à détruire Éphraïm. On retrouve ce Dieu qui est juste, qui veut qu'on comprenne que c'est nous, son peuple, qui méritons, mais qui dit, mais je t'aime et je ne veux pas te détruire, je veux que tu connaisses cette relation. Il y a cette justice, cet amour, cette tension. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Toutes mes compassions sont émues. C'est ça l'amour de Dieu, c'est un amour qui va libérer de notre esclavage, comme il a libéré Israël d'Égypte, mais c'est un amour qui va châtier son peuple. Mais par amour qui va limiter le châtiment, qui va surmonter l'infidélité de son peuple pour reconquérir son cœur, qui va pardonner, qui va guérir et qui veut rétablir la relation. C'est pour cela qu'une fois de plus, je te lance cet appel qu'Osée nous lance. Juge-toi avant que Dieu ne te juge. Juge-toi, juge tes, affronte tes convoitises, tes idolâtries, ta prostitution, avant que Dieu ne te dépouille, parce que ça va faire mal. Alors, nous finissons avec cet amour qui rétablit. Et là, intéressant ce premier verset, qui va reprendre les prénoms. Vous vous souvenez, ces prénoms qui signifiaient des condamnations. La terre exaucera le blé, le moût et l'huile, et ils exauceront Jisréel. Jisréel qui veut aussi dire un mot comme semer, disperser. Dans le premier, il voulait plutôt dire « je vais te disperser, je vais semer le jugement ». Et ici, dans d'autres versets où il utilise aussi Israël, il va dire je vais te semer, on ne pourra même plus te compter. C'est une grande bénédiction comme du temps d'Abraham où tu seras aussi nombreux que les sables de la plage. Israël, l'Orushama, qui veut dire je ne te fais pas compassion, je lui ferai de nouveau miséricorde. L'Ohami, tu n'étais plus mon peuple, tu seras de nouveau mon peuple et même tu vas dire mon Dieu. Ça y est, on va rétablir cette relation. Je ne viendrai pas avec colère. C'est Jésus qui parle. Il dit qu'il est venu non pas pour juger, mais pour sauver. Il annonce cela. Il y a très très peu d'annonces messianiques, sinon vers la fin. Peut-être parce qu'elles sont plus destinées à Judas dont la lignée des rois va faire venir le Messie. Mais on en trouve quand même, surtout vers la fin. Et je vais parler à son cœur. Il va dans le désert. Quand Dieu veut parler à un homme, qu'est-ce qu'il fait pour le préparer? Moïse, il l'a emmené dans le désert. Élie, il l'a emmené dans le désert. Jean-Baptiste, Paul, 3 ans à peu près, dans le désert. Le désert, c'est le lieu du silence par excellence. On n'y entend plus les bruits de la ville. Il nous fait sortir. Il nous fait sortir de nos convoitises. Il nous fait sortir des bruits du monde qui étouffent la voix de Dieu. On n'entend plus Dieu quand on écoute le monde. C'est un lieu où on sort de soi, où on apprend à se voir tel que nous sommes, une créature de Dieu. Et là, on reconnaît, ah oui, il n'y a qu'un seul Dieu, ce n'est pas moi, comme dit Calvin. Il n'y a qu'un seul Dieu, ce n'est pas moi. Tu es mon créateur, je suis ta créature. C'est dans des moments difficiles où on ne retrouve plus le goût, la satisfaction. Quand on ne sait plus adorer Dieu, si déjà on peut au moins dire ça, toi c'est toi le créateur, moi je suis la créature, c'est un acte d'adoration. C'est un des plus basiques, mais si on peut revenir au moins par ça, en disant mais moi je suis une créature, je n'ai rien à moi. Tout ce que j'ai c'est Dieu qui me le donne. Le dépouillement, qu'est-ce que le désert dans ta vie? Quels sont ces moments où tous les rêves semblent s'écrouler? Pourquoi il fait ça? Ben, j'espère que vous comprenez maintenant. Il fait ça aussi pour nous apprendre à comprendre que la seule source, ce n'est pas ce que nous, on cherche dans ce monde. Faire l'expérience du désert, c'est accepter de perdre sa vie pour la gagner. Se défaire d'une fausse image de soi. Alors, Dieu va rétablir. Dieu va envoyer le Messie. Dieu va sauver de manière extraordinaire. Je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Très difficile pour Israël de comprendre que son Messie devait souffrir. Très difficile pour nous de comprendre que la bénédiction passe par le renoncement, le dépouillement. C'est la même difficulté. On n'arrête pas de parler d'Israël, des disciples qui ne comprenaient jamais parce que leur cœur était dur. Et nous, on a tous les versets, on sait tout ça. Mais c'est toujours la même chose. Le Messie, la libération arrive, mais pas par le chemin qu'on veut, nous. Souvenez-vous de ce verset, hein, il suit les préceptes qui lui plaisent. Ça, c'est notre nature. Non, non, non. Même quand tu te dépouilles, même quand tu as réussi à passer par le désert, que tu as renoncé et que tu veux revenir vers Dieu, encore là, et tu dois encore apprendre que Dieu va venir, oui, mais pas de la façon dont tu penses. Le renoncement, on n'a pas envie d'y penser. Son objectif, c'est pas notre confort. C'est pas des bénédictions au sens parfois où nous l'entendons. Être bien, je veux être bien. Non, c'est notre pureté. Osée 8:5, combien de temps encore seras-tu incapable de pureté? Alors oui, c'est douloureux, mais c'est le plan de Dieu pour qu'on le rencontre de nouveau. Laisse-toi transformer, laisse-toi conquérir à nouveau par son amour. C'est le seul moyen pour nous de répondre à son amour. Et alors qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, non plus peuple de Dieu, on va dire fils de Dieu vivant. Paul et Pierre vont utiliser ce verset pour rappeler que nous sommes le nouveau peuple de Dieu. Ils prennent ce verset alors que dans Osée, ça s'adresse à Israël, mais souvenez-vous, petit point théologique, nous avions Judas, nous avions Israël, le royaume du Nord. Osée dit, Dieu dit, de la part d'Osée, Israël, tu es tombé, tu n'es plus mon peuple, tu es comme les nations. Si vous voulez, c'est comme s'il disait, il n'y a plus de privilèges. Donc, quand Dieu est en train de dire à Israël, tu es de nouveau mon peuple, il ne parle plus à Israël, il parle aux nations, à un peuple qui fait partie des nations. Il faut vraiment, sinon Israël n'a pas vraiment perdu tous ses privilèges. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne qu'Israël a perdu tous ses privilèges. Il n'est plus le peuple de Dieu. Et quand Dieu dit, vous qui n'étiez pas mon peuple, je vais vous appeler fils de Dieu, on peut très bien maintenant l'appliquer, ce verset aussi, aux païens, parce qu'Israël était parmi les païens. Il n'avait plus du tout de privilèges. Donc, il y avait Judas, Israël, perdu. Et c'est comme si, en partant, en tombant comme ça de son statut, il déclenche quelque chose et que sa remontée va être la bénédiction aussi des païens. Et c'est comme s'il allait les chercher. Ça fait penser à un autre dépouillement, hein. Jésus qui s'est dépouillé de son statut, qui est venu en bas pour remonter avec tous les frères, les fils. Et c'est vrai que Jésus, qui est le Fils de Dieu, est la réalité d'Israël qui était le Fils imparfait. Il est dit quand Israël naît dans le désert du Sinaï, il est le Fils. Chapitre 11, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Il parle d'Israël au départ, mais c'est une image du vrai fils, bien sûr. Donc Israël est une image de ce fils qui descend dans le monde pour revenir avec les païens aussi. Et de nouveau s'unir avec Judas. Et faire effacer finalement le mur de séparation qu'il y avait entre les juifs et les non-juifs. Donc cet Israël déchu, pour des mauvaises raisons ici, mais symbolise aussi ce Dieu qui vient chercher, qui tombe pour venir chercher et pour nous unir à l'olivier, au vrai olivier, que sont les Juifs. Bon, c'était la petite partie théologique. Non, il y a mille fois plus. Bref, Dieu va nous permettre aussi de produire le fruit. Ce que moi, je ne peux pas produire, il va le produire en moi. Je réparerai leur infidélité. Jésus est venu réparer. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys, c'est le fruit. Il poussera des racines comme le Liban, c'est la profondeur de la relation avec Dieu, la communion. Et ses rameaux s'étendront, c'est la renommée, le témoignage, la lumière des nations. Et Éphraïm dira, qu'est-ce que j'ai à faire de ces idoles? Mais pourquoi j'allais courir après ces idoles-là? Et Dieu répondra, je vais t'exaucer, c'est-à-dire je vais faire fleurir. Je te regarderai et c'est de moi que tu recevras ton fruit. Jean 15, 5, on est encore dans Jean. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure produira beaucoup de fruits. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà ce Dieu bouleversé. Je rappelle, nos désirs de confort, quels qu'ils soient, crient si fort qu'ils nous empêchent de connaître Dieu tel qu'il est. C'est lui la vraie source de toutes les richesses terrestres, célestes. Nos convoitises nous aveuglent, nous affaiblissent spirituellement. Tant que nous nous épuisons à les satisfaire, nous sommes incapables de revenir vers lui. Nous nous donnons à nos idoles et nous suivons une religion, mais d'une manière superficielle, inconsistante, parfois hypocrite, du moins formaliste, et nous sommes stériles pour Dieu. Notre égoïsme nous empêche de connaître pleinement Dieu, d'entrer dans son plan, de le connaître tel qu'il est. Dieu est intervenu, il va continuer d'intervenir et il intervient toujours de la même façon. Souvenez-vous, votre conversion, c'est de la même façon qu'il va intervenir, par la repentance, par l'acceptation que c'est de sa grâce seule que nous recevons tout ce que nous sommes capables de lui rendre. Et pour cela, il doit porter un coup fatal à tous nos attachements idolâtres. Et Jésus dira, alors attendez, Jésus va citer des versets de l'Ancien Testament. C'est toujours intéressant, on aime bien, on va voir verset, parce que c'est Jésus qui les cite, ça donne quand même encore un autre poids. Il se trouve que chapitre 6, verset 6, Jésus le cite deux fois quand même. Deux fois, il ne fait pas ça avec tous les versets de l'Ancien Testament. Donc j'ai la chance de lire le livre dont il a cité deux fois le verset central, « Car j'aime la piété, non les sacrifices, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes, cette religion que tu me donnes n'est purement humaine, je la déteste, je la rejette, ton veau pue, dit-il, tu es incapable de revenir vers moi. » C'est le premier verset en haut. Vos œuvres ne vous permettent pas, vous avez l'esprit de prostitution. Donc on a en haut ce que nous ne pouvons pas faire, en bas ce que Dieu aime, ce que Dieu désire, et au milieu la façon dont Dieu travaille avec nous pour qu'on passe de ce point à l'autre, nous dépouiller à nu. Jésus va dire ça à un peuple, à des pharisiens, et justement les pharisiens sont ceux qui connaissent la loi, ils font partie du peuple de Dieu. Ce sont ceux qui se prostituent pour leurs propres idoles et ce sont ceux qui sont incapables de témoigner du chemin à prendre. Il va parler donc Jésus à tous ces gens-là en leur disant « Allez et apprenez ce que signifie » et il cite ensuite « Osez » une première fois « Apprenez ». Et une deuxième fois, il va citer aussi aux pharisiens en disant « Si vous saviez ce que signifie, j'aime la piété. » Piété, miséricorde, loyauté, bienveillance. Voilà, un attachement sincère, fidèle. Apprenons à comprendre cette parole-là. Voilà le message que Jésus nous donne quand il lit Osée. Apprenez à comprendre ce message. Voilà ce que Dieu aime. Posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu veut? Non pas moi, hein, pas que ta volonté se fasse, mais à ma manière, quoi, à ma façon. Ne limitons pas Dieu. Rendons-nous disponibles, jugeons-nous avant que Dieu ne le fasse, 1 Corinthiens 11, hein. Jugeons-nous pour ne pas être jugés. Dernier verset d'Osée, sera la conclusion, que celui qui est sage prenne garde à ces choses, et que celui qui est intelligent les comprenne. Demandons à Dieu la sagesse, l'intelligence, pas là hein, seulement, hein, mais partout, dans nos, à partir du cœur, quoi. Demandons à Dieu de comprendre qu'est-ce que signifie j'aime la piété plutôt que les sacrifices religieux. Seigneur, béni sois-tu de ce que nous ayons un si grand Dieu, que tu sois un si grand Dieu, que tu sois la source de toutes nos richesses, la source de toutes nos joies. Et quand je dis ça, tout de suite, je te demande pardon parce que je sais que bien souvent je vais chercher d'autres joies, d'autres satisfactions qui ne me satisfont pas. Et pourtant je sais, et chaque fois, tu me le rappelles. Pardon, Seigneur, de t'obliger, de te bouleverser au point que tu sois obligé de nous faire comprendre ce message en nous dépouillant, en nous faisant passer par des épreuves de désert, des tristesses. Pardon, Seigneur, pour la dureté de mon cœur. Mais merci parce que tu rétablis, tu pardonnes, tu guéris. Apprends-moi, Seigneur, à comprendre ce que tu désires, la piété, l'attachement à toi, l'attachement, le service aussi au prochain, comme toi tu l'as fait. À suivre ton chemin en Jésus-Christ. Tu nous as donné ce chemin. Oh Seigneur, encore une fois, je suis abattu par ce que je vois de moi, mais j'en appelle à ta grâce Et je te demande de me rendre encore plus responsable devant cet objectif merveilleux que tu nous as montré, que tu as commencé à nous montrer, que tu veux faire aller jusqu'à la fin, jusqu'à la perfection. Merci parce que tu es toujours là, parce que même si tu nous fais passer par le désert, tu n'es pas loin, et qu'en réalité, tu es toujours prêt. Ouvre nos yeux, Seigneur, fais-nous comprendre, ouvre notre sagesse, notre intelligence spirituelle, donne-nous du discernement pour oser affronter nos convoitises, nos idolâtries, notre égoïsme, notre ingratitude, et nous détacher de tout cela pour nous attacher pleinement à toi, ne pas être tiède, Seigneur, ne pas être prospère mais stérile, mais être complètement attaché à toi. C'est-à-dire comme tu le mérites, comme tu en es digne, que le monde puisse voir la lumière que tu as mise en nous, la lumière Christ, ô Seigneur, que le monde puisse voir Christ. Apprends-nous à nous attacher à ce qui t'attache toi, à aimer ce que toi tu aimes. Seigneur, transforme-nous, façonne-nous, même si nous devions passer par des déserts. Amen.